habiter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, c'est pas où t'as mal, tu vis d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros coup dans la cuisine. J'suis sous régime, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros coup dans la cuisine. J'suis sous régime, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Pense à toi quand j'suis dans ma piscine. C'est mon bijou. J'suis fou de toi, je veux mon bijou. Dans mon bijou. Dans mon bijou. T'es mon bijou.